Une dizaine de minutes, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle qui émergent comme ça? C'est pas vraiment une question, mais c'est plus par rapport à cette question-là de l'enseignement pour avoir un retour peut-être étudiant. Ce que je trouve qui marche vraiment bien, enfin personnellement en tout cas, depuis que je suis à Grenoble, donc dans le master à ECC. Avec nos enseignants, c'est qu'on n'a pas peur d'eux. c'est que vraiment il y a un respect mutuel et un échange mutuel. Et j'ai jamais autant appris et autant aimé apprendre que depuis 2 ans. Voilà. Du coup, je trouve ça chouette comme façon d'apprendre. Et j'ai eu un peu Karine l'an dernier et un peu. Fabiani aussi. C'était très agréable. Enfin, c'était un peu ce rapport d'échange. Et c'est quelque chose que vraiment qui m'a un peu libérée ici à Grenoble. Que j'avais un peu à Montpellier avant, mais pas à ce point. Et donc voilà, je trouve ça vraiment agréable d'aller étudier parce qu'on en a envie et pas parce qu'on a peur. Voilà. Bonjour, salut, Oscar. Je travaille avec Comuna. Si vous êtes familier avec Comuna. Et alors en fait, j'aurais une question, mais peut-être sous forme d'un jeu comme ça. Est-ce que vous seriez d'accord? Vas-y. En fait, ce serait plus de poser la question, de compter jusqu'à 3, et ce sera la réponse soit par oui, soit par non. Ceux qui disent oui, lèvent la main. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il y ait du dissensus et que les opposés se confrontent. Mais sans aller bon enfant, quoi. C'est parti. Battez pas. Et donc, en fait, ma question, c'est de savoir, revenir sur cette notion de collectif, de ce qu'est un collectif, de comment on le perçoit aujourd'hui, ce serait vraiment de dire, est-ce que vous croyez en la reconnaissance de l'état des collectivités quant aux compétences réelles des professionnels qui agissent justement sous un titre de collectif, asso, autre chose qu'en fait bureau ou professionnel de l'architecture, quelqu'un parlait je ne sais plus qui d'être labellisé ou pas labellisé architecte, moi je ne connais rien en ça, mais bon. Comment est-ce que vous positionnez là-dessus? Est-ce que vous croyez que l'état reconnaît les compétences d'un collectif autant que d'un bureau? L'État ou les commanditaires publics? L'État, les commanditaires publics, les collectivités, qui tu veux voir. Et donc, non, mais c'est cool. C'est juste un 1, 2, 3. Levez la main, mais c'était. Vas-y, refais-le, 1, 2, 3. Allez, on fait 3. 1, 2, 3. Ah bah c'est bon, c'est vraiment la magie. On a pas envie de se prendre la tête. Moi, je vais poser une question en retour. Oscar peut tirer sur au retour pourquoi on attend une forme de légitimation par l'État et ou les acteurs publics et ou les commanditaires. Et on le fera de l'enregistrement, d'autant plus en France, dans l'État dans lequel on est aujourd'hui. Enfin, c'est quoi la logique de savoir si tu penses que ces institutions-là, instituées, légitiment ces pratiques qu'il a nommées? Ok, par état, tout ça, je voulais pas vraiment. Faites un débat sans nous, hein. C'est là le. Désolé, allez-y, parce que. Et non, mais alors, pour clarifier, alors, pour vous permettre de rebondir là-dessus, c'est juste dans cette idée que j'ai l'impression que le collectif est défavorisé par rapport à un bureau, que dans la mentalité générale, et en tout cas, je ne le pense pas, mais j'ai l'impression que collectivement, il y a un peu ce construit que le collectif est moins compétent, ou que c'est plus un ensemble de copains, que c'est. C'est des gens qui viennent se mettre ensemble et qui en fait vont faire un travail, mais que ce sera peut-être pas un travail qui sera aussi reconnu que s'il était fait sous le titre d'une grosse instance ou d'un gros bureau, d'un cabinet, d'un truc qui a une belle étiquette comme ça. Et donc voilà, je me pose vraiment la question de est-ce que ces compétences-là sont aujourd'hui aussi valorisées? Visiblement dans votre monde, oui, dans le mien aussi, mais je me posais au-delà la question de comment est-ce qu'on ferait, et c'était ma réponse, si elle avait, enfin ma question s'il y avait un dissensus, comment est-ce qu'on ferait permettre cette reconnaissance du collectif de petits acteurs, entre guillemets, transformateurs de la ville. Je pense qu'on pourrait poser la question, un commanditaire compétent. Si un commanditaire compétent, je peux dire qu'il en a rien à faire que ce soit un collectif ou une agence. Ça ne va pas le rassurer pour autant. Ce qu'il attend, c'est le savoir-faire et justement ce qu'il va pouvoir être amené. S'il est incompétent, ouais, effectivement, il va se fier peut-être à un nom plus qu'à un autre. Juste sur la belle étiquette, je trouve que justement, enfin, ce que a porté ETC, enfin, moi quand j'étais étudiante, ETC venait d'émerger, tout ça, en tant que collectif d'architectes, c'est qu'ils ont su justement avoir une belle étiquette, vraiment dans, pas du tout dans le sens péjoratif, de genre on s'est communiqué, mais enfin, ETC ça a été les premiers, à mon avis, à sur leur site internet raconter les projets, mettre des photos, sélectionner les photos, mettre en récit en fait les projets, et en fait ça compte vachement pour les commanditaires. Et je pense que justement, les collectifs savent beaucoup plus avoir des belles étiquettes et des belles cartes de visite que les bureaux d'études privés, que moi-même par exemple, et que d'autres, où on n'est pas. Enfin voilà, je pense que les petits sont. Enfin, moi, je me retrouve dans des postures où dans les équipes, je ne suffis pas, et il faut un collectif. Dans des grosses équipes de projets urbains innovants ou même de projets urbains, et on va chercher ETC, Bruit du Frigo, voilà. Et je suis hyper contente de bosser avec eux, hein. Je ne dis pas que j'ai toutes les compétences, mais vraiment, il y a ce truc de. Alors après, il ne faut pas se faire manipuler, il faut mettre les conditions et voilà, tout le. Il faut savoir avec qui on bosse et comment on le fait, mais je pense que vraiment, en tout cas en France, dans ce que j'observe, les collectifs savent quand même être visibles, se rendre visibles. Alors après, les commanditaires savent reconnaître l'expertise. Est-ce que les autres architectes, agences de maîtrise d'œuvre savent reconnaître l'expertise? Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que la question est différente en fonction de qui. Voilà. Bonne question de compétences. Non, je pense qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a peut-être pas un collectif aujourd'hui. C'est... Nous, maintenant, on est écrit la stock, il n'y a plus d'association, on n'est plus une association. Mais je veux dire, c'est plus ce qu'on porte. Et il y a des gens, ils nous connaissent comme un bureau d'études, ils pensent qu'on est un bureau d'études maintenant, ils connaissent pas du tout l'autre partie, et puis inversement. Et puis et après, moi je trouve que ça relève plutôt de comment on est organisé, qu'on arrive à se faire connaître, ou plutôt par le travail et pas que la communication. Et puis le fait que ce soit récent, parce qu'au final, moi à la force de avec des amis qui sont en agence d'archi plus classique, des fois, on voit comment ça fonctionne, ça fait peur, quoi. On se dit, ah ouais, nous, on est en train d'essayer de se payer, on est hyper organisé, on a un truc, on respecte, on a fait de la comitologie pour avoir les réunions de la bonne durée, avec les bonnes personnes, au bon moment et tout. Puis les agences d'archi, c'est le zbeul total, quoi. C'est genre, ouais, tu sais pas comment ils tournent, et ils se payent, ils sont pleins, et il n'y a aucune organisation, c'est hallucinant. Certaines. J'ai pensé un peu, enfin, je ne vais pas revenir tout à l'heure parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais sur le. J'ai l'impression que historiquement, il y a pas mal d'agences où il y a un architecte, ou une architecte, un architecte, au coup, on va être vraiment masculiniser ce truc, qui a sa pratique reconnue avec un prix et tout ça. Puis pourquoi son agence elle grossit? Parce qu'en fait, il gagne un projet, puis un autre, qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de gens qui viennent l'aider à exprimer son art. Et donc en fait, d'un point de vue managérial, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de concentration autour d'une personne. Et du coup, il y a tout un fonctionnement qui est plutôt au besoin et pas du tout pour un projet commun. Et ce qui va faire la différence avec les collectifs, c'est qu'en général, il y a un projet commun, il y a une ambition politique, il y a un engagement, même un petit engagement qui fait que c'est réfléchi de manière plus intelligente et ça prend un peu plus de temps. C'est aussi pour ça qu'on se paye moins, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps de réunion, beaucoup non facturable, pour organiser tout ça, pour que les gens soient heureux au quotidien dans ce qu'ils font. Et voilà, alors que je pense qu'il y a des agences qui fonctionnent encore aujourd'hui. Ah, c'est bon, on fait plein de concours, on gagne un concours, on embauche. Moi, j'ai digressé. Donc, ça soit sur le code du travail. Ouais, voilà, le code du travail, c'est ça. Moi, je voulais juste rebondir sur la question d'avant. Oui, je voulais juste rebondir sur ta remarque sur le fait de se sentir à l'aise dans l'enseignement. Et même si, pour le coup, je ne suis pas enseignante, mais je voulais peut-être aborder un point de transmission, ou en tout cas avec des outils que je pense on manipule un peu tous et toutes ici, qui sont les outils d'éducation populaire. Ça n'a pas été dit, mais je sais que c'est des petits on utilise et qui en fait sont justement dans ce questionnement de déconstruire les positions de sachant et apprenant, d'avoir une horizontalité, de pouvoir questionner tous les processus de domination et au contraire pouvoir s'émanciper en tant qu'individu et développer son esprit critique. Et je voulais finir par un truc. oui, et alors c'est pas pour débattre ici, mais il y a notamment l'école zéro qui essaye d'explorer ces modèles-là et qui fait d'ailleurs une école d'été début, si vous voulez plus d'infos. On prend une dernière question, peut-être. Ma question, c'était qu'on a quand même pas mal abordé ces questions-là sous le prisme de la maîtrise d'œuvre. Et vu qu'on a quand même pas mal parlé dans ce colloque et qu'il y a quand même un floutage sur les pratiques et qu'elles risquent d'être de plus en plus plurielles, est-ce que aussi, justement, la dichotomie, même si elle n'est pas vraiment si dichotomie, enfin, c'est pas tant une dichotomie que ça, mais entre agence et collectif, à quel point la manière du coup de se structurer, la manière de pratiquer, en fait, ça va conditionner, et peut-être aussi vous avez choisi donc la manière de pratiquer en fonction justement de la pluralité des manières de pouvoir avoir une pratique qui dépasse la maîtrise d'œuvre ou non. Je ne sais pas si c'était clair, mais. Ah, oh, bah moi je ne veux pas conclure là-dessus. Pour c'est pas la suite. Pour autre chose. Ok, je pars avec des gros a priori. Alors, il va falloir me déconstruire tout ça. Mais j'en vois quand même. C'est le moment. J'ai l'impression quand même que le fait de monter son cadre entre copains, machin, etc., c'est super pour se dégager du temps, innover des pratiques, expérimenter, se donner des identités, etc. Et échapper un peu au monde marchand, aux logiques de marché, parce que ben on est bénévole. Par la suite, on a une identité qui est bien plus claire, bien plus affirmée. On a un truc un peu innovateur dans le coin, et donc du coup, on est beaucoup plus concurrentiel en fait pour gagner des parts de marché. Comment est-ce qu'on arrive à étendre ce truc-là de collaboration entre nous dans nos petites cellules d'amis? À la réponse à la commande en fait, et même voir à l'élaboration de la commande. Comment est-ce qu'on peut venir un peu briser ce truc dont j'ai l'impression qu'il peut la racine du mal, qui est la commande beaucoup trop, comment on pourrait dire, concurrentielle, et voilà, tout. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Comment étendre c'est clair, mais je pense que la concurrence, c'est pas... Comment j'introduis il y avait une troisième question dans la foulée. Bonjour, moi je suis lycée, je suis étudiant en L2 et je suis devenu étudiant depuis 2 ans. Voilà. Et du coup, moi, c'est plus un constat, c'est que les collectifs, comme vous définissez globalement, plus de tous autour de la table, en fait, il y a des amis qui sont sortis l'année dernière de l'école, ils n'ont jamais entendu parler, ils n'ont jamais expérimenté, ils n'ont jamais travaillé avec eux concrètement, ils n'ont jamais eu de contact direct avec eux. Et que moi, en L2, l'année dernière, c'est la première année, il me semble, où il y avait un workshop d'une semaine qui, là, a été remis en cause pendant 2 heures de réunion avec la CFDE. Donc ça, c'est aussi le fait que c'est pas la logique de précarisation avec tous les grands guillemets, c'est au sein de l'éducation nationale, est en train d'éclater en vol. Et il y a des personnes qui font depuis 4 ans, 3 fois leur taf. Et c'est pareil pour les enseignants, ils font des heures bénévoles sans les compter parce que c'est un métier passion et que c'est normal. Et du coup, je retombe sur mes pattes sur le fait de dire que là où vous avez créé des collectifs il y a 10-15 ans, mais qui ne sont pas du tout encore implantés dans les écoles, ça a été pour politiser un métier, une profession, en grand cabinet avec des équipes de 20, 30, d'hommes blancs, cinquantenaires, qui arrivait à faire toujours la même chose en mettant des grands mots et des grandes phrases sur des choses à peu près vides. Vous arrivez à réussir à donner du sens, à retrouver des termes politiques, mais qu'actuellement, en école d'architecture, ce n'est pas du tout encore implanté, qu'il y a encore énormément de postures apolitiques qui ne veulent pas se définir avec des valeurs. Et on le voit très bien à l'école d'architecture de Grenoble. La première année, c'est une année qui est sans aucun terrain, avec à peine une lumière au deuxième semestre, mais qui pose quand même ce truc-là complètement abstrait, de travailler juste avec un petit gribouillon sur une feuille et sans aucune base sociale, politique, environnementale, en tout cas pour Grenoble. Et du coup, comment est-ce que vous politisez-vous? Comment est-ce que vous définissez politique ou apolitique? Et comment est-ce que vous avez à définir vos valeurs? Ouais, je lance les réponses là-dessus. Je pense qu'en lien là-dessus, c'est pas mal aussi. Il y a cette question, ça répond un peu aux deux questions en même temps. Le cadre concurrentiel, commande, etc. D'une part, il ne faut pas oublier que s'il y a de l'autocommande à des moments au début, ou de la création de commande, ou d'arriver à construire en fait une commande, même en accompagnant des commanditaires, c'est bien parce que la fabrique de la ville quand même fonctionne avec de la commande. Ça, c'est un peu logique. Après, on peut imaginer toutes sortes de commandes qui ne sont pas forcément que pécuniaires, mais il y a de la commande. Donc ça, il ne faut pas le dissocier non plus. Le deuxième point, c'est cette question d'écosystème qui existe aussi, qui fait qu'on se rend bien compte qu'il y a une diversité en fait, d'endroits où agir dans la fabrique de la ville. La sensibilisation, la médiation en étant un des premiers. C'est-à-dire que si tout le monde est sensibilisé à ces enjeux, etc., bien évidemment, ça devrait permettre qu'au fur et à mesure, on fabrique un meilleur cadre de vie. Et ça, je crois que c'est la finalité. Et après, à partir de là, on se positionne toutes et tous à différents endroits. Quand je dis la fabrique du cadre bâti, c'est général, hein, même en territoire rural, etc. Et c'est là aussi où il y a des sortes de réponses ou de relais, par exemple d'orienter vers telle ou telle structure pour répondre à telle commande qu'on nous a demandé, on ne se sent pas d'y répondre, de co-traiter ensemble pour telle et telle réponse, ou de recevoir un appel d'offres dans lequel, tiens, l'étude de FOSA a été faite par tel collectif ou tel machin, etc. Et quelque part, ça rassure, on se dit, ah, bah là, il y a un terrain qui est bien préparé, il y a telle piste, il y a telle machin, etc. Tiens, celui-là, on y répond. Donc ça, c'est un peu pour ouvrir un débat aussi sur cette question de... ouais, d'écosystèmes en fait, de gens qui se connaissent, qui ont les mêmes convictions, la même envie, mais qui n'ont pas forcément les mêmes métiers, mais qui servent tous la même finalité. Ou des fois même, on se retrouve dans le couloir de l'oral et on se dit, bah, finalement, on fait une réponse ensemble. Vous arrivez avec Meta, Bessel. Ouais. Ils ont voulu nous mettre en concurrence et nous, on a dit, bah non, on va répondre ensemble. Et alors sur la question de la concurrence, en fait, je pense que j'ai cru comprendre que tu voyais la concurrence comme quelque chose de néfaste, dans le sens où c'est un des enjeux du capitalisme, tout ça, les logiques libérales. Oui, en fait, c'est un système qui n'est pas idéal, mais qui est un peu celui qui règne partout aujourd'hui. Et nous, de là où on est, on peut influer de loin sur comment on voit ça, avec les logiques d'économie circulaire et tout ça. Par contre, en tant qu'architecte, moi, à moyen terme, court terme, ce qui m'importe, c'est plutôt de dire tout l'argent qu'on met aujourd'hui dans le bâtiment qui puisse être déplacé ailleurs que dans les majors. Et c'est pas pour rien que les majors aujourd'hui se positionnent. Saint-Gobain fait de la terre crue, on entend des choses tous les jours en ce moment qui sont assez incroyables. Donc en fait, sur leur emploi, quand ça concerne la commande et qu'on a vu des concurrents, au début on a fait on n'est plus tout seul, fait chier. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était positif, en tout cas à court terme, parce que ça voulait dire qu'on était plusieurs, ça voulait dire que ça allait développer la demande auprès des maîtres d'ouvrage. C'est plus un truc isolé, c'est plus un trip d'un promoteur qui nous a bien aimé, qui nous a trouvé sympa parce qu'on a bu une bière avec lui. Enfin, je rigole, mais c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il ne faut pas voir ça, et puis ça me permet de réagir un peu aussi sur la dernière question, où c'est peut-être un peu manichéen aussi, et pas oublier que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en très peu de temps. Et le monde du travail, il a une inertie incroyable. Et quand on est dans le monde professionnel, une fois qu'on est lancé dans une logique de salariat ou autre, là, on a la chance d'être à l'école. Nous, moi, enseigner, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est de rester connecté avec l'évolution de la société. Quand on travaille et qu'on n'a pas la chance d'enseigner et qu'on n'a pas le temps, comme à peu près tous les architectes qui n'ont pas le temps d'aller manifester, alors qu'ils sont à peu près tous, je pense, tu vois, si les gens se plaignent de ce métier, je pense qu'ils ont tous envie de manifester, ils n'ont pas le temps, et en fait, c'est une sorte de... Il y a une vision de la société qui est hyper dure à avoir, on est dans une sorte de train permanent, et, Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir une vision aussi manichéenne de les architectes en agence, l'école qui évolue pas. Il y a une inertie qui n'est pas que française, mais qui est très française, et pour transformer les choses. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir des... Il y a beaucoup d'enseignants, en fait, dans des collectifs, maintenant, dans les écoles. Là, nous, on se félicite d'être des titulaires. moi, je ne pensais pas qu'un jour, on aurait des postes en disant ce qu'on dit dans nos notes, parce qu'on écrit une note. Mais nous, aujourd'hui, on est déjà has-been pour pas mal de profs, pour pas mal d'enseignants, je pense, d'étudiants, pardon. Je pense qu'on n'est pas assez, engagé. Et c'est la remarque qu'on nous a fait au pavillon de l'Arsenal avec ETC. On a eu le collectif Grapp qui dit c'est quoi ça maintenant, il faut arrêter. Il y a des collectifs soi-disant en rupture. Aujourd'hui, ils font de la com, ils répondent aux appels d'offres. C'est quoi? On est plus là-dedans. Quoi. Donc, on voit qu'il y a déjà un niveau d'exigence qui a franchi un cap et ça se fait par étapes. Donc, et surtout, ces gens-là, c'est ce truc intergénérationnel. Ils sont battus pour d'autres choses, à d'autres époques, parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a toute une génération qui a fermé les yeux sur les enjeux environnementaux, parce qu'en fait, personne n'en parlait et que ça restait une niche. Aujourd'hui, ça ressort, il faut en profiter pour en parler. Ça a mis trop longtemps, mais ces gens-là, ils ne sont pas dénués de tout combat ni d'engagement. Quoi. Donc faut, et puis, on a besoin d'eux, en fait, aussi. Mine de rien, on a besoin de ça et on ne peut pas mettre de côté une frange de la société. Et, sinon, ça, l'engagement qu'on a, il ne marchera pas, à mon avis, si on pense comme ça. Pour clore la table ronde, mais un immense merci à vous, sincèrement, pour votre présence jusque tard ce soir. Au point de rappeler quelques temps, je crois. Merci à vous de votre présence et une très bonne soirée. Quoi. Pour participer à cette table ronde, Adélaïde Boel pour Architecture in Vivo, Karine Bonneau pour Silo Architecture, Pauline Broquin-Lacombe et Camille Moll pour Atelier Bivouac, Lucie Bulot et Marie Guiraud pour Collectif Pourquoi Pas, Edith Allauer pour Preuve par 7, Quentin Champsavant pour Bellastock, Sébastien Fabiani pour Na Architecture, Maxence Beaune pour le collectif ETC, Louise Renaud pour le studio Low Architecture. Cette table ronde était animée par Siméon Naïdenov, étudiant en Master Architecture Urbanisme Études Politiques de l'Université Grenoble-Alpes, et Silver Tribou, enseignant-chercheur au laboratoire Espace et Société de l'Université Rennes 2. Ce programme est coordonné par le collectif ETC, avec le soutien du programme Erasmus+, KA2, Partnership for Cooperation, et de l'Institut français.